mettent les mots barbare, anthropophage ou cannibale, et des images de sang et de chair humaine vous apparaîtront d'emblée à l'esprit. Des bouches dévorant à pleines dents des bras et des jambes, desquelles dégoulinent des flots de liquide rouge. Mais quelle différence entre la soif sanglante d'un cannibale et la soif sanguinaire d'un guerrier ? Entre la barbarie des autres et la cruauté des siens ? Entre le sang qu'on boit et le sang qu'on fait couler ? Autrement dit, entre le sang et le sang. Ce sont précisément les questions soulevées par Michel de Montaigne en 1580, mais aussi, et dans un autre genre, en 1974 dans « Massacre à la tronçonneuse ». Ce sont les anciens abattoirs. C'est là où grand-père venait abattre ses bêtes. Et regardez, le bâtiment là, c'est là qu'on les abat. Du pan, là, là, un grand coup sur le front avec une grosse masse. Oh, c'est horrible. Et pour les tuer, il fallait souvent donner plusieurs coups. Ils se mettaient à crier si fort qu'il fallait cogner. Souvent la bête basculait, alors le coup ripait. Bien sûr, la bête ne mourrait pas. Elle commence à la dépecer, même si elle était vivante. Oui, vivante. Oui. C'est atroce, on ne devrait pas tuer les animaux pour les manger. Mais ils font plus ça depuis longtemps. Ils ont des pistolets à air comprimé. Ça envoie une pointe jusqu'au cerveau et ça la retire. Crac. Ensuite, bam. Et ça ressort. Ça rentre. Francky, fous-moi la paix. Change de sujet, j'adore la viande. Ça, c'est terrible quand on est réfléchi. Bonjour Emmanuel Naya. Bonjour Géraldine. Vous êtes maître de conférence de littérature française à l'université Lumière Lyon 2. Vous avez coédité les Essais de Montaigne aux éditions Gallimard, Folio Essai. Vous êtes l'auteur des Essais de Montaigne aux éditions Ellipse. Alors les Essais de Montaigne aux éditions Ellipse, ça n'est pas que vous avez écrit les Essais de Montaigne, vous les avez commentés donc aux éditions Ellipse qu'on adore dans la collection Philo œuvre. Alors pour commencer cette émission, vous allez nous dire, nous éclairer quel rapport entre Massacre à la tronçonneuse, le film d'horreur, et Michel de Montaigne. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qui est en fait un medley. Il y a eu plusieurs passages. Alors vous connaissez bien le film. Oui, bah j'ai revu récemment. En fait, j'avais le remake en tête de 2003, mais j'ai revu récemment celui de 74 de Tom Hooper. Et effectivement, il y a des choses qui sont très proches, notamment ce passager qui est pris en stop par les malheureux étudiants qui sont destinés à mourir dans d'atroces souffrances. Et qui fait partie de la famille des anthropophages, et qui dresse tout de suite un parallèle entre ce qui se passe dans les abattoirs, puisqu'il y a des abattoirs à proximité, et toute sa famille y travaille. Hein, il le dit, nous, on est dans la viande de père en fils. Donc, effectivement, on va le voir au fur et à mesure du film. Et il décrit très précisément l'abattage de la vache de la même manière que Jean Delery puis Michel de Montaigne décrivent la manière d'abattre et ensuite de dépecer un prisonnier. Hein. D'abord un grand coup sur la tête, plusieurs s'il le faut, on ne jette rien, il faut que tout soit utilisé. Une petite différence chez les Toupinambars, la tribu dont parle Montaigne, c'est que eux ne mangent pas la cervelle, alors que dans Massacre à tronçonneuse, tout est mangé. Il y a même une jouissance autour de ce qu'il appelle le fromage de tête. Alors, je vous laisse imaginer. Hein. Alors il faut le dire, donc dans les Essais de Montaigne, un chapitre entier est consacré aux cannibales. Pourquoi Michel de Montaigne consacre ce chapitre aux cannibales? Il nous parle de l'inconstance de son caractère, du sommeil, de la cruauté, de la physionomie. Et puis, il y a ce chapitre sur les cannibales. Pourquoi ? Alors, c'est un chapitre qui suit un autre chapitre. Évidemment, il y a un petit effet recueil, puisque le chapitre 30 du premier livre des essais, qui précède, est intitulé « De la modération » et se termine, je cite, sur l'évocation, Montaigne dit « En ces nouvelles terres découvertes en notre âge, pures encore et vierges au prix des nôtres. Donc il y a déjà une mise en balance du nouveau monde, ce monde enfant, et du vieux monde adulte, voire déclinant, vieillissant, proche de la mort et de la catastrophe qu'est l'Europe. Et on termine sur l'évocation, néanmoins, dans cette pureté, du roi du Mexique, hein, l'empereur des Aztèques, qui sacrifiait chaque année 50 000 personnes par an, ce qui laisse à penser que si c'est pire chez nous en Europe, où en sommes-nous ? Malheureux que nous sommes. Et ensuite, il embraye sur un discours comparatif très inspiré de plusieurs sources, on pourrait y revenir, avec des cannibales. Mais pourquoi avoir pris ce thème du cannibalisme en particulier ? Qu'est-ce qui intéressait Montaigne, justement ? On consacre une semaine au sang. Il faut dire quand même que le terme sang apparaît très peu dans ce chapitre sur les cannibales, mais que quand même il y a l'idée d'une violence, c'est-à-dire que faire couler le sang, manger le sang, assommer quelqu'un, le dépecer, Montaigne prend à bras-le-corps ce sujet, mais d'une manière qui est complètement déconcertante pour le lecteur. Alors, il faut dire une chose, c'est que les titres des chapitres dans les essais de Montaigne ne correspondent pas toujours, parfois de manière marginale, parfois on s'en rend compte à la fin du chapitre, au contenu même du chapitre. C'est un petit peu le cas avec des cannibales, où il est plus globalement question d'une grande rêverie, notamment sur les deux premiers tiers du chapitre, une grande rêverie primitiviste sur la beauté de l'être naturel qui est resté, on pourrait dire, dans son premier jus, hein, avant d'être corrompu par l'artifice européen. Et ce n'est qu'au bout d'un moment que le cannibalisme est abordé et où on centre on place le centre de gravité du chapitre autour de la problématique de la violence. Et la violence rituelle chez les Toupinambas, décrit par Jean Delery dans son histoire d'un voyage en terre de Brésil, c'est justement la mise à mort de l'ennemi prisonnier qu'on mange ensuite. Alors justement, vous avez prononcé, Emmanuel Naya, le nom de Jean Delery. Nous allons écouter tout de suite un extrait de Jean Delery dont s'est inspiré Michel de Montaigne pour parler des cannibales. Celui qui est là tout près pour faire ce massacre, levant l'or sa massue de bois avec les deux mains, donne du rondeau qui est au bout de si grande force sur la tête du pauvre prisonnier que, tout ainsi que les bouchers assomment les bœufs par deçà, j'en ai vu qui du premier coup tombait tout raide mort, sans remuer puis après ni bras ni jambes. Vrai et qu'étant étendu par terre à cause des nerfs et du sang qui se retire, on les voit un peu fourmiller et trembler. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui font l'exécution frappent ordinairement si droit sur le tête de la tête, voire savent si bien choisir derrière l'oreille que, sans qu'il en sorte guère de sang, pour leur ôter la vie, ils n'y retournent pas deux fois. Or, sitôt que le prisonnier aura été ainsi assommé, s'il avait une femme, elle, se mettant auprès du corps, fera quelques petits deuils, je dis nommément petits deuils, car après que cette femme aura fait ses tels quels regrets et jeté quelques feintes larmes sur son mari mort, si elle peut, ce sera la première qui en mangera. Cela fait, les autres femmes et principalement les vieilles, lesquelles plus convoiteuses de manger de la chair humaine que les jeunes, sollicitent incessamment tous ceux qui ont des prisonniers de les faire vitement ainsi dépêcher. Ces vieilles, donc, se présentant avec de l'eau chaude qu'elles ont toute prête, frottent et échaudent de telle façon le corps mort qu'en ayant levé la première peau, elles le font aussi blanc que les cuisiniers par-de-ça sauraient faire un cochon de lait prêt à rôtir. C'était Jean Doléry, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, un texte de 1578 interprété par Frédéric Pierrot. 1578, donc 2 ans avant la parution des 2 premiers livres des essais de Montaigne. Je signale qu'il y en a 3, donc les 2 premiers sont parus en 1580. Et Montaigne a été fortement influencé, impressionné sûrement par le récit donc de Jean Doléry, qui est un grand voyageur et écrivain et qui a relaté ici son expérience au Brésil et notamment cette expérience de cannibalisme qu'on retrouve d'ailleurs dans le chapitre de Montaigne. Oui, alors vous parlez des sources, très rapidement, Léry est une source qui a certainement été décisive, notamment pour la description du cannibalisme. Il faut pas oublier non plus un autre explorateur qui s'appelle André Tevet, qui avait participé à cette expérience française en terre du Brésil, lorsque, sur l'ordre de l'amiral de Coligny, Villegagnon avait voulu fonder une colonie qui s'appelait la France Antarctique. L'expérience a très mal tourné, ça a été repris ensuite par les Portugais. En tout cas, il y a ces deux explorateurs qui sont très importants, des chroniqueurs espagnols hein, comme Gomara, comme Oviedo ou plus connu Las Casas, et puis surtout un de ses domestiques. Montaigne avait chez lui un domestique qui, dans sa jeunesse, avait fait partie de cette expérience brésilienne où on envoyait de l'autre côté de l'océan des réformés pour qu'ils puissent prendre possession d'une terre et exercer librement leur culte. Alors, la reprise de Léry est extrêmement intéressante. On va dire que Montaigne atténue un peu le propos de Léry, qui est beaucoup plus précis. Beaucoup plus trash. Beaucoup plus trash, on peut dire les choses ainsi, sans, bien sûr. Jean Léry nous épargne aucun détail. On parlait de cochon de lait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lui-même que avant qu'il soit mis à mort, le prisonnier est choyé. Il est engraissé, je cite, comme pourceau en auge. Et finalement, ils sont uniquement tués ultérieurement. On leur propose même de se marier. Certains du village Tupinambá donnent leur fille en mariage et c'est effectivement cette femme qui, après avoir versé quelques larmes de crocodile, va être la première à pouvoir goûter de son propre mari, sachant que si jamais elle est enceinte de ce prisonnier, son bébé à la naissance sera dévoré sur le champ. Mais ce qui nous semble encore plus cruel, en fait, alors que dans le propos de Montaigne, qui donc s'inspire de Jean Doléry et effectivement, comme vous dites, édulcore le récit de Jean Doléry, il l'édulcore aussi de manière presque à valoriser, en fait, la pratique des cannibales. C'est là où, en fait, Montaigne prend, en fait, à contre-pied son lecteur. On voit les cannibales vraiment comme des barbares, le mal absolu, ceux qui font couler le sang, ceux qui le boivent, ceux qui le dévore, et au contraire, Montaigne va quand même s'attacher, ce qui est paradoxal, à un récit de voyage qui nous semble cruel pour le valoriser. Et effectivement, on a du mal à comprendre ce qui, dans ce texte de Jean Doléry, peut être valorisable par Montaigne, et pourtant c'est ce qu'il fait. Alors, Montaigne, on pourra revenir sur cette question un peu plus tard, ne s'intéresse pas à l'anthropophagie avec les mêmes référents et les mêmes sous-entendus que d'autres personnes à son époque, notamment dans la querelle eucharistique. On pourra revenir sur ces rapports entre l'Eucharistie, la messe catholique vue par les protestants et Jean Doléry était protestant, et le propos de Montaigne. En revanche, il fait de l'anthropophagie des toupies, on va les appeler les toupies. Oui, c'est les toupies Namba, c'est donc une tribu guerrière du Brésil. Exactement. Il fait de leur anthropophagie une manifestation purement et simplement symbolique. Purement et simplement symbolique parce qu'il s'agit simplement de démontrer une sorte de vaillance, de montrer qu'ils sont aptes à mener une guerre, je le cite, noble et généreuse. Et finalement, ils sont mus par la seule, je cite encore, jalousie de vertu. Ça veut dire quoi, jalousie de vertu? Alors, c'est le désir profond de se montrer vertueux, ce qui peut être paradoxal pour nous. On se montre vertueux quand on va ingérer son propre ennemi. Et le but de cette ingestion, c'est avant tout d'essayer d'épouvanter. C'est un jeu psychologique, en fait, qui est extrêmement dur, hein, entre les uns et les autres. C'est d'essayer d'épouvanter les prisonniers pour leur faire renoncer à leur courage, pour faire finalement qu'ils retournent leur veste et se démident, hein, en quelque sorte, hein, leur faire perdre leur constance. C'est ça le but ultime de l'exécution et du fait de les manger. Et en même temps, ce qui est très étonnant, c'est que les toupies laissent à leurs prisonniers une grande latitude d'expression, notamment au moment de l'exécution. Ils laissent le prisonnier s'exprimer et notamment noter combien il est lui-même courageux, combien il a tué de toupies et combien il a d'ancêtres de ceux qui vont le mettre à mort et de le manger dans son propre estomac qu'il a digéré par le passé. Et il lui donne même des tessons et des cailloux pour, avant d'être mis à mort, eh bien, créer un dernier dommage à ceux qui l'assaillent. Mais ce qui veut dire que finalement, Montaigne va saluer cette manière de procéder avec l'ennemi, c'est-à-dire il va saluer le fait chez les cannibales, à la fois en fait d'avoir une sorte de justifier cet acte par de la vertu, mais en plus de laisser une place à l'ennemi. C'est ça, en fait. Oui, oui, oui. C'est-à-dire la possibilité de se défendre. Donc, en fait, d'être non seulement d'accomplir un acte vertueux, mais en plus d'élaborer une forme d'éthique guerrière. Oui, tout à fait. Et là, je reprendrai peut-être les mots. Je voulais lui rendre hommage en début d'émission. Je le fais maintenant. Hein, je transmets une accolade amicale, même si virtuelle, à Franck Lestringant, qui est un spécialiste de la littérature de voyage au XVIe siècle et spécialiste justement de cette question des cannibales et du Brésil de Montaigne. Comme il le dit de manière très très nette. La surenchère de violence que nous portons par rapport aux toupies, c'est que nous sommes capables de tuer, de blesser, de torturer, voire de manger des vivants, alors que les toupies tuent d'abord leurs prisonniers avant, évidemment, de le dépecer en mille morceaux. Je cite juste un petit passage d'un chapitre intéressant pour notre sujet, de la cruauté. La cruauté vient de crudelitas, hein. Cruor, c'est vraiment le sang qui coule. Montaigne oppose la cruauté à la vertu, et Montaigne finit par dire « Les morts, je ne les plains guère, et les envierai plutôt, mais je plains bien fort les mourants, les sauvages, donc les toupies, ne m'offense pas tant de rôtir et manger les corps des trépassés que ceux qui les tourmentent et persécutent vivants, entre parenthèses, comme nous, Européens. » La curiosité, l'intérêt ethnologique chez Montaigne vient par raccro. Au fond, c'est seulement, si mes souvenirs sont exacts, dans trois chapitres des essais qu'il est question des Indiens d'Amérique, il est beaucoup plus question des anciens. Et les Indiens s'ajoutent comme une nouvelle expérience d'une civilisation différente qui vient en plus de celle des Grecs et des Latins. Chez Rousseau, qui s'est certainement beaucoup plus trompé que Montaigne, mais il y a une volonté plus nette de construire une philosophie politique sur ce que l'on savait, et on savait évidemment beaucoup plus de choses au XVIIIe siècle qu'au XVIe, des peuples qu'on appelait alors des peuples primitifs. La réflexion ethnologique se nourrit beaucoup plus du relativisme de Montaigne. Néanmoins, il est certain que, si vous voulez, l'aspect positif, on pourrait dire, de la réflexion ethnologique, c'est à partir de Rousseau qu'elle se manifeste. Et son aspect critique, son aspect plus modeste, évidemment, c'est vers Montaigne qu'il faut nous tourner pour le retrouver. C'était la voix de Claude Lévi-Strauss en 1992 sur France Culture, Montaigne au jour le jour. archive très intéressante, Emmanuel Naya, parce qu'il oppose la méthode de Rousseau, en fait, qui va construire à partir de la figure du bon sauvage une politique, on va dire, idéale, universelle, alors que Montaigne, au contraire, à partir de la figure du bon sauvage, parce que quand même, il faut le dire, les pages dans son chapitre sur le cannibale ressemblent quand même à la description du bon sauvage qu'on trouve notamment à partir de la Renaissance et des Lumières, lui permettent plutôt de décrire, et Claude Lévi-Strauss a employé le terme clé pour nous, lui permettent plutôt d'être dans une forme de relativisme, à savoir en fait de défendre un relativisme des valeurs et des cultures, et de ne pas tout voir, toutes les cultures, au prisme d'une seule, qui serait une forme d'ethnocentrisme. Emmanuel Naya. Oui, tout à fait. Alors peut-être deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même une sorte d'idéalisation hein, aussi chez Montaigne dans le chapitre des cannibales, et on pourrait dire à titre esthétique notamment par leur production, leurs ouvrages, leur construction dans Décoches, sixième chapitre du troisième livre des essais. Décoches, ça veut dire des voitures. C'est des voitures, hein, c'est ces voitures dans lesquelles on a un peu le mal de mer, on a l'estomac retourné parce qu'on est tout est très chaotique et il y a une sorte de oui, les de premières lignes et de roulis qui donne un peu ce sentiment de nausée. Et les premières lignes de ce chapitre sont très drôles. Montaigne nous raconte comment il a le mal de voiture, on pourrait voilà. dire. Voilà. Et le chapitre finit sur la chute de cheval de l'empereur du Mexique, chute de coche qui le voue à sa perte et entraîne sa mort. Donc, je disais juste qu'il y a une sorte tout de même d'idéalisation. On est presque confronté à ces hommes de l'âge d'or, ou même quand on regarde un petit peu les deux chapitres, on a un peu des modèles antiques, parfaits. Cette antiquité qui fascinait la Renaissance, que la Renaissance cherchait à redécouvrir, à se réapproprier. Derrière des cannibales, chapitre 31 du premier livre, on a un modèle de courage spartiate. C'est vraiment Sparte qui est derrière. Tandis que dans Décoches, cette magnificence de l'Empire aztèque est comparable à celle de Rome. Donc il y a quand même une rêverie autour de quelque chose qu'on a perdu. Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, oui, cette rêverie est récupérée ensuite pour relativiser effectivement les cultures. Montaigne a deux méthodes pour ce faire. La première, c'est tout simplement de décrire l'altérité, de décrire la civilisation de l'autre côté de l'océan en montrant sa perfection. Et en creux, cela lui permet bien sûr de critiquer l'imperfection de ce qui reste en deçà de l'océan, c'est-à-dire nous, la vieille Europe. Et c'est un peu le mode de fonctionnement des utopies, hein, mm-hmm. depuis Thomas More. Il y a la cité idéale qui, bien sûr, en creux, permet de critiquer notre propre cité. Deuxième moyen pour Montaigne de faire fonctionner ce relativisme, c'est de donner la parole, comme Montesquieu le fera avec Usbek et Rica dans Les Lettres persanes, à l'étranger. Aux sauvages, qu'ils soient bons ou mauvais, et c'est ce qu'il fait à la fin de Des Cannibales, lorsque il est question de ces trois sauvages débarqués à Rouen et présentés à Montaigne lui-même, avec qui il peut échanger. Et il leur fait dire, je peux citer Montaigne, « Ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de biens, tandis que leur moitié mendiait à leur porte, décharnés par la faim et la pauvreté, et ils trouvaient étrange que ces moitiés-ci, si nécessiteuses, puissent souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou ne missent le feu à leur maison. » Oui, c'est des gens qui effectivement n'hésitent pas à fracturer les corps pour les mettre à mort, mais qui savent parler aussi de la fracture sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent du point de vue de Montaigne. Tout comme leur première réaction, alors il y en a trois phrases, Montaigne en a oublié une, mais leur première réaction, ils ne comprennent pas pourquoi il y a ces gardes suisses magnifiques, voilà, ces espèces de Robocop qui sont là pour entourer le roi, le roi qui n'est qu'un petit enfant. Comment est-ce qu'on peut donner autant d'importance à un enfant. Oui, mais ce qui est intéressant quand même dans cet exemple des cannibales, c'est-à-dire que idéaliser en fait, malgré tout, au-delà du relativisme des sociétés antiques, en prenant l'exemple des toupies ou alors des aztèques, semble paradoxal de le faire en se servant précisément en fait de coutumes qui peuvent sembler extrêmement violentes. C'est-à-dire que c'est là où Montaigne quand même réussit, enfin tente, essaye, en fait, justement, littéralement, un tour de force qui est de nous faire accepter comme un modèle de perfection des modèles qui, en fait, sont fondés, qui heurtent non pas seulement nos propres coutumes, parce que ça, c'est véritablement son argument, mais en fait, qui peuvent quand même heurter, au-delà de ça, la sensibilité, la raison. Et c'est ça qui semble assez fou dans l'entreprise de Montaigne. Tout à fait. Alors, ceci dit, Montaigne fait des toupies, des modèles que dont il eût volontiers aimé que des législateurs comme Lycure ou comme Platon dans sa République y trouvent des modèles de justement de construction de bonne construction sociale. C'est-à-dire que ils ont ayant peu de façons de l'esprit humain, et n'ayant pas été, on va dire, corrompu par trop de réflexion, ils ont une sorte de simplicité absolue dans le domaine éthique et dans le domaine juridique. Un peu cette simplicité que Montaigne recherchera tout le temps, notamment en termes de religion, dans le chapitre des prières, 56e chapitre du premier livre. Le seul artifice qu'ont ces gens-là, c'est la cuisson des aliments. Tout le reste est absolument, c'est la voix de la nature qui parle à travers eux. Et ils n'ont que deux programmes qui sont fixés par les plus anciens, deux programmes éthiques. Un, c'est la vaillance contre l'ennemi, et l'anthropophagie, le cannibalisme, se situe dans cet acte de vaillance, mais toujours exogène, toujours porté non pas contre des gens, contre ses voisins, comme on peut le faire dans la guerre civile que l'on a en France, mais toujours contre l'ennemi du dehors. Donc première chose, la vaillance contre l'ennemi, et deuxième chose, l'amitié portée à leur femme. Tout est résumé là-dedans. Donc, et dans cette simplicité éthique, Montaigne trouve quelque chose d'admirable, et il ne voit dans le cannibalisme, eh bien, que le moyen ultime d'exercer cette vaillance contre l'ennemi, qui vise encore une fois à faire perdre pied à l'ennemi, à lui faire perdre sa propre vaillance, son propre code de l'honneur. Il s'agit uniquement de ça. Et il y a une manière aussi, finalement, de lui laisser la parole. Et on s'aperçoit, comme le disait encore une fois Franklin Stringant, que le cannibalisme de bouche et de chair se transforme en un cannibalisme de mots. Et dans un échange verbal entre le prisonnier qu'on va bientôt manger, tuer et manger, et ceux qui le retiennent, un échange verbal qui est un échange de bravade, de défi, de mise en garde, etc., etc. Et c'est peut-être ça le plus important. C'est de donner la possibilité d'être vaillant tout en essayant de décourager cette vaillance. Je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, d'après ce que l'on m'en a dit, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes, de même que, en vérité, nous n'avons pas d'autre point de mire pour la vérité et la raison que l'exemple et l'image des opinions et des usages du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, le parfait et incomparable usage de toutes choses. Ces hommes-là sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits d'elle-même et dans sa marche ordinaire, tandis que, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par nos procédés et détournés de l'ordre habituel que nous devrions plutôt appeler sauvages. En cela sont vivantes et vigoureuses les véritables et les plus utiles et plus naturelles vertus et propriétés que nous avons abâtardies en ceci, que nous avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Michel de Montaigne, Les Essais, livre 1, chapitre 31, Les Cannibales, interprété par Frédéric Pierrot. J'ajoute la fin, la suite de ce texte, Emmanuel Naya. Montaigne ajoute, et pourtant la saveur même et la finesse se trouvent excellentes à notre goût en comparaison des nôtres dans divers fruits de ces contrées où ils poussent sans être cultivés. Et là, écoutez bien, il n'est pas légitime que l'art emporte le prix d'honneur sur notre grande et puissante mère, nature, nature avec un N majuscule. Là, ce qui est intéressant dans cet extrait, Emmanuel Naya, c'est que véritablement, Montaigne ne fait pas seulement un éloge paradoxal des cannibales, juste pour le plaisir de choquer ou de prouver une forme de relativisme, surtout quand il dit « chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes », c'est qu'il y défend aussi une certaine vision de la nature et plus barbare celui qui s'échappe de la nature plutôt que celui qui s'en rapproche. Exactement. Alors ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est que ces toupies sont l'expression, encore une fois, la plus directe de la nature. La nature parle à travers eux. Il a cette précision sur le mot sauvage qui est extrêmement importante. Ouais. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produit, là où à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. Donc ce qui est sauvage, eh bien, c'est comme une fraise sauvage, c'est quelque chose de beau et d'admirable, quelque chose qui n'a pas été, encore une fois, raffiné, cultivé. Et ce qui est incroyable, c'est que Montaigne souligne notre incapacité à représenter, même en restant à l'ordre de la mimésis, à représenter la beauté d'une toile, d'une chétive araignée, ou la beauté d'un nid, l'agencement d'un nid, d'un petit roitelet. Nous en sommes incapables. C'est là où il y a une importance du sang, Emmanuel Naya, c'est que le sang, finalement, c'est ce fluide qui n'a pas été altéré par la nature et la manière de le faire couler, la manière, j'ai bien, est très importante selon Montaigne, c'est-à-dire la manière de faire couler le sang avec soin par les cannibales est infiniment plus proche de la nature, car dans une forme d'unité et de continuité, plutôt que la manière de procéder, de faire couler le sang par des guerres, des artifices et des stratégies qui sont le signe de la corruption de l'homme. Oui, tout à fait. Et Montaigne met en balance, par exemple, le comportement des Portugais, pour finir par dire en fait que cette mise à mort, quelque part, a été introduite, cette idée de mise à mort a été introduite chez les toupies par le comportement de leurs adversaires, de leurs envahisseurs, et notamment les Portugais, mais sans aller jusqu'à l'outrance et à la cruauté de ces derniers. Pourquoi ? Parce que ces derniers avaient l'habitude d'enterrer à mi-corps leur prisonniers. Là où les toupies ne faisaient que l'entraver par des cordes. Et quand la personne était sur la plage à moitié ensevelie et ne pouvait plus bouger, il y avait un passage à tabac, on lui lançait des traits et on le torturait jusqu'à quasiment que mort s'en suive, pas tout à fait, on le gardait un peu vivant pour qu'on ait le plaisir de le pendre par la suite. Donc effectivement, il y a deux manières de procéder, de faire couler le sang. Mais est-ce que d'une manière, c'est pour Montaigne, le but est de défendre une bonne manière d'être en rapport avec la nature, mais aussi avec le sang. C'est-à-dire que dans cette histoire de sang, il y a aussi l'idée que les toupies, par exemple, ne vont pas tuer leurs propres frères, leurs propres familles, leurs propres voisins, alors que Montaigne va condamner le fait que l'on va tuer, faire couler le sang des voisins à nous, c'est-à-dire des gens dont on va comment dire, provoquer des guerres intestines. Oui, alors c'est peut-être là qu'on pourrait faire creuser cette mise en balance des guerres de religion en France à l'époque de Montaigne hein, et de la découverte de ces nouvelles terres au Brésil et de ses nouvelles populations. Et peut-être faire référence au 12e chapitre du 3e livre qui s'appelle De la physionomie, que l'on pourrait gloser par la physionomie, c'est-à-dire les traits du visage. Hein. Il sera question des traits du visage de Socrate. Mais aussi physionomie, hein, nomos, la loi, ça peut être aussi la loi naturelle, la loi de la nature. Or, dans ce chapitre, qui démarre sur un portrait de Socrate, Montaigne insiste sur une sorte de dichotomie entre deux paradigmes. D'un côté, il y a, on va dire, Socrate, qui savait être lui suivre la nature, et d'un autre côté les stoïciens qui pourtant faisaient de suivre la nature, le naturam sequi, leur propre slogan, eh bien ne savaient pas la suivre sans artifice. Et comme ça, Montaigne déroule le paradigme. Du côté de Socrate, il y a les paysans qui font partie de ce paradigme de la simplicité naturelle, exactement comme les toupies, ou comme les femmes, ou comme les enfants, dans d'autres passages des essais. De l'autre côté, paradigme inverse, du côté de ceux qui vivent dans l'artifice et qui n'arrivent pas à s'en séparer, après les stoïciens, eh bien, il y a l'humanité tout entière. Il y a les gens qui ne savent pas, peut-être être suffisamment sceptiques pour s'élever à cette école de bêtises et qui ne savent pas redevenir des bêtes, des animaux eux-mêmes. Notamment, il y a tous ces gens qui s'entretuent durant les guerres de religion. Montaigne aborde très peu de façon frontale les problèmes de théologie dans les essais. Mais là, il donne quand même une solution aux guerres de religion. C'est-à-dire que, premièrement, il condamne les réformés qui veulent réformer l'homme et la religion en procédant à la pire des déformations. Donc au lieu de rendre la forme première, eh bien, il déforme totalement et encore un peu plus les choses telles qu'elles étaient. Les catholiques, évidemment, ne sont pas exempts de ce reproche de difformité et de cruauté. Il fait référence ici à la Saint-Barthélemy. À la Saint-Barthélemy, effectivement, 24 nuits qui démarre dans la nuit du 24 août 1572, suite à des soubresauts, hein, l'attentat contre l'amiral de Coligny, et où les chefs protestants sont massacrés. Ça dure quelques jours, un certain nombre de jours à Paris, mais ça dure des semaines et des mois dans d'autres portions du territoire français. Autrement dit, pour Montaigne, au lieu de condamner, de s'effaroucher, d'être dégoûté par les pratiques des autres quant à leur manière de faire couler le sang, regardons, interrogeons notre propre manière de faire couler le sang. C'est ce qu'on va entendre dans cet extrait de ce chapitre que vous avez cité, Emmanuel Naya, de la physionomie. C'est dans le livre 3 des essais, chapitre 12, évidemment, de Montaigne. Monstrueuse guerre. Les autres agissent au dehors. Celle-ci agit aussi contre elle, se ronge et se tue avec son propre venin. Elle d'une nature si méchante et destructrice qu'elle se détruit en même temps que le reste et qu'elle se déchire et se démembre de rage. Nous la voyons plus souvent être désagrégée par elle-même que par le manque de quelque chose de nécessaire ou par la force ennemie. Toute discipline la fuit. Elle vient guérir la sédition et elle en est pleine. Elle veut châtier la désobéissance et elle en montre l'exemple. Et, employée à la défense des lois, elle joue son rôle de rebelle à l'encontre des siennes propres. Notre médication porte l'infection. Dans ces épidémies, on peut distinguer au commencement les hommes en bonne santé des malades. Mais quand elles viennent à durer, comme la nôtre, tout le corps s'en ressent et la tête et les talons. Aucune partie n'est exempte de corruption, car il n'y a pas d'air qui soit aspiré si goulûment, qui se répande et pénètre comme le fait la licence. C'était donc un extrait des essais de Montaigne interprété par Frédéric Pierrot. Dans ce chapitre de la physionomie, on entend bien là cette manière de, pour Montaigne, de critiquer. L'argument est vraiment intéressant. En fait, plus nous sommes raffinés, plus nous produisons des actes barbares. Et là, Montaigne élabore une toute nouvelle définition de la barbarie, Emmanuel Naya. Oui, exactement. Il y a vraiment cette opposition, encore une fois, entre le paradigme de l'homme naturel et celui de l'homme artificiel, qui sera cruel. Et donc, alors la cruauté, si je vous suis bien, Emmanuel Naya, donc la cruauté est vraiment en fait un sentiment artificiel, fabriqué. Oui, tout à fait. Plutôt, la cruauté découle de notre goût pour l'artifice, de notre goût pour les ratiocinations, pour la réflexion indue sur des choses qui nous dépassent, et découle du dogmatisme, tout simplement. Et finalement, Montaigne nous donne la véritable médication en creux dans ce chapitre. si on veut arrêter les guerres de religion, si on veut arrêter les massacres et la cruauté, comment faire ? Retrouver ce naturalisme socratique, retrouver cette manière d'être naturelle, et les toupies peuvent nous en proposer un exemple. Mais est-ce que c'est pas un petit peu naïf, un petit peu simpliste, c'est-à-dire cette manière de dire il faut suivre la nature, cette valorisation donc de ce qu'on a appelé comme figure, la figure du bon sauvage, est-ce que finalement c'est pas en plus, tout en voulant se dédouaner d'une forme d'ethnocentrisme, une manière en fait, c'est-à-dire que c'est l'inversion bête et simpliste de on va condamner le bon sauvage, en fait on va le valoriser. Oui, alors évidemment, Montaigne ne cache pas, notamment dans Descoches, certaines pratiques très cruelles, hein, notamment les sacrifices humains que l'on trouve chez les Aztèques, et des sacrifices de masse, hein, je le rappelais tout à l'heure, la proposition du roi du Mexique, lorsqu'il rencontre Cortés, de faire sacrifier 50 personnes juste à l'occasion de la rencontre. Bon, Même en termes d'argumentaire, Emmanuel Laïa, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas simpliste même, juste, comme on dit maintenant, de renverser le stigmate, c'est-à-dire, oui, ce qui était sauvage était négatif, et maintenant on va dire que c'est positif. Est-ce que c'est pas simpliste comme argumentaire, et de la part de Montaigne? Oui, et en même temps, c'est quelque chose qu'il revendique haut et fort, et ça va de pair avec son scepticisme. Par exemple, Montaigne est ébahi par l'éthique de ces paysans qui n'ont jamais suivi la moindre leçon de philosophie de leur vie. Hein, ce sont des gens, quand ils ont de la toux, ben ils se contentent de dire qu'ils ont de la toux, ils tous, mais ils vont pas appeler ça de la phtisie. Ben, s'ils appelaient ça de la phtisie, ils surélaboreraient le phénomène et souffriraient deux fois plus. Quand vient l'heure de la mort, ben, ils creusent leur propre tombe. Et meilleur exemple de vertu que tous les suicides antiques, ils vont se mettre dans leur tombe et voilà, ils rendent leur dernier souffle. Mais Montaigne ne faisait pas du tout ça. C'est-à-dire que il le regrette. C'est-à-dire que dans d'autres chapitres, comme dans Des vaines subtilités, hein, 54, Montaigne regrette de devoir faire ce trajet à reculons, à contre-culture. Lui a été cultivé, a acquis une culture, il a été obligé de devenir, entre guillemets, dogmatique, artificiel, d'être nourri et biberonné avec toute cette culture. Et il s'efforce tant qu'il peut, dit-il, pour aller en arrière et retrouver ce statut qu'il ne retrouvera jamais et que les paysans, eux, embrassent de façon directe, sans avoir à faire le moindre effort. Donc oui, il y a peut-être cette encore une fois, cette simplicité de la rêverie primitiviste qui est présente chez Montaigne, et je pense que il aurait bien aimé entendre Michel Polnareff chanter Tam Tam, par exemple. Chanter Tam Tam. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore à la chanson de fin, Emmanuel Laïa. Il nous reste encore une dizaine de minutes avant d'arriver à cette chanson. Mais pour revenir au sang, est-ce que finalement, Montaigne, en fait, qui voulait faire du sang une sorte de fluide, peut-être révélateur, c'est-à-dire pas du tout naturel, mais au contraire, en fait, révélateur de nos pratiques culturelles, d'une forme de relativisme, est-ce que finalement, le sang n'est pas pour lui l'occasion, plutôt que d'être relativiste ou ethnocentriste ou universaliste, de revenir à une forme de naturalisme qui n'est pas tant perceptible que ça dans d'autres passages de ses essais? Alors oui, c'est très clair, hein, et ce naturalisme est très important. On peut peut-être faire un parallèle entre le cannibalisme du Brésil, des toupies dont on a parlé, et la réalité du cannibalisme en France à l'époque de Montaigne. Oui, c'est vrai qu'il en cite. Il, quand il dit d'interroger nos propres pratiques. Voilà. Alors, il reste assez évasif, hein. Oui. Jean de Léry, qui lui a fait un compte-rendu des événements du siège de Sancerre en 1573, est beaucoup plus explicite, hein, dans ses textes. Mais en France, à Sancerre, par exemple, qui était un fief protestant, assiégé par les forces catholiques, on a vu un cannibalisme de subsistance, avec l'exemple d'une fillette, hein, dévorée par ses parents. Finalement, manger même sa famille, manger sa fille, devient le dernier échappatoire à la mort après avoir mangé des excréments. Hein, il y a toute une gradation de ce qu'on peut faire en temps de siège, et on en arrive à la dernière extrémité. C'est des choses qu'on trouve également à Paris en 1589-1590, cette espèce de d'anthropophagie obsidionale quand on est assiégé. Et puis il y a en France aussi un autre type d'anthropophagie qui est une anthropophagie de pure et simple violence. Hein. Anthropophagie de vengeance et de répression anti-protestante, où l'on se vante d'avoir fait cuire les oreilles de tel ou tel ennemi protestant. Anthropophagie aussi parfois de coutume dans certains milieux, notamment dans les terres du Ponant, à l'ouest de la France, et parfois anthropologie purement criminelle. Ça fera l'objet de petits feuillets, ce qu'on appelle les canards sanglants, hein, des petits feuillets qu'on distribuait, que les colporteurs vendaient et distribuaient dans les campagnes. Donc, il y a du cannibalisme en France avec un peu toutes les sortes. Hein. Celui auquel on est contraint et celui qu'on choisit d'assumer. Et notamment lors de la Saint-Barthélemy. Je me permettrai juste de citer quelques vers des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, le protestant. Hein. Au livre 5 des Tragiques, il dit « Ces canailles, donc les catholiques, qui en plusieurs endroits ont rôti et mâché, savouré, avalé, tel cœur en plein marché, mais des cœurs de vrais cœurs, palpitants. Si quelqu'un refusait, c'était à son dommage qu'il n'était pas bien né pour être anthropophage. » Frère Bartholomé, vous avez la parole. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé ? Tout est bon. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent « Tiens, si on essayait le tranchant de nos armes ?» Et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles. Le sang ruisselait de partout. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. Vivants. Savez-vous, Éminence, qu'en certains endroits, les Espagnols se servent du sang de ces hommes pour arroser leurs terres. Les capitaines en emmenaient de longs cortèges enchaînés en expédition et de temps en temps, ils disaient aux soldats « Coupez un morceau de la cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. » Comme s'il s'agissait de quartiers de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens, ils les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Allons ! Allons ! La controverse de Valladolid, un téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe de 1992. Cet extrait, Emmanuel Naya, pour vous poser cette question quant à Montaigne et à son traitement du cannibalisme, son traitement non pas seulement moral, non pas seulement naturaliste, mais aussi politique. En fait, il y a véritablement une critique politique, même si vous nous avez dit que les essais sont très peu politiques dans leur tonalité, et effectivement relèvent plus de la morale et de l'éthique. Là, ici, il y a quand même, on peut dire, sur cette éloge paradoxale des cannibales et sur ce rapport, cette manière de dénoncer le relativisme ou de souligner le relativisme de la barbarie, une manière aussi de mettre à plat notre manière de procéder politiquement. Oui, alors, je me suis peut-être mal exprimé, les essais sont très politiques, parlent énormément de tonnes de sujets. Disons qu'ils ne sont pas politiciens. Ils ne sont pas politiciens, notamment pour ce qui est de la controverse religieuse. C'est-à-dire que Montaigne, en matière de théologie, reste, à part dans un chapitre, reste très indirect, hein, dans sa manière de poser ce que l'on pourrait résumer par sa croyance indéfectible et simple au catholicisme, mais qui est beaucoup plus complexe que ça et qui, à mon sens, donnera lieu plus tard aux libertins érudits du XVIIe siècle. Bon. Sur la dimension politique de cette critique de notre ethnocentrisme et des cannibales. Alors, La leçon est effectivement générale. Elle ne vise pas tel ou tel dirigeant, tel ou tel événement. Il ne s'agit pas de rebondir sur tel ou tel fait d'actualité. Donc, on reste quand même chez Montaigne dans quelque chose de très général, hein. Même si on a des références historiques, notamment dans Descoches, à Pissarro qui exécute Atahualpa, l'empereur, le dernier empereur inca, ou à Cortés qui exécute le dernier empereur aztèque. La leçon reste relativement générale et on pourrait dire que Montaigne arrive à se décentrer un tout petit peu d'une problématique fondamentale pour parler du cannibalisme au XVIe siècle, qui est la comparaison du cannibalisme avec ce qui se passe à la messe chez les catholiques. Expliquez-nous. Alors, très rapidement, hein, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, il y a la fameuse affaire des placards où sont placardées des affiches jusqu'à la porte de la chambre du roi à Blois, un pamphlet dénonçant d'Antoine Marcourt, dénonçant la messe papale et dénonçant la messe papale et l'Eucharistie comme une anthropophagie. Parce que finalement, entre l'anthropophagie des toupies et l'anthropophagie des catholiques, il y a un seul point commun au fond, c'est qu'il y a un partage communautaire. Tout le monde est là pour en profiter. Mais en revanche, l'anthropophagie des toupies, elle, et quoi qu'en disent les protestants qui ont... notamment les calvinistes qui ont attaqué les catholiques comme étant des cannibales lorsqu'ils mangent le corps du Christ et qu'ils boivent le sang du Christ. Les anthropophages toupies, eux, ne mangent que des personnes exogènes. Et puis surtout, ils transforment le cru en cuit. Ils font cuire tout ça sur des boucans, hein, Renaud aurait dit des boucans d'enfer, des boucans, c'est donc des sortes de grilles en bois, pour peut-être réduire par la cuisson le scandale de l'autophagie. Et puis multiplie les plats liquides, les plats solides, la manière de déguster, comme on ferait aujourd'hui avec un canard ou un cochon, l'ennemi. Alors que le catholique, lui, fait exactement l'inverse. Il transforme le pain en cru, lorsqu'il actualise la présence du corps du Christ dans ce qui au départ est une hostie et du pain. Et au lieu, au contraire, de séparer les éléments, il opère la fusion du pain et du vin dans ce qu'on appelle l'attinction, c'est-à-dire quand on trempe l'hostie dans le calice où il y a le vin, et finalement, on distribue, non pas du mort, mais on distribue du vivant, un vivant qu'on tire au départ de quelque chose d'inerte. Merci beaucoup Emmanuel Naya. De vous, on peut lire votre coédition avec Delphine Reguig et Alexandre Tarrette des essais de Montaigne aux éditions Gallimard Folio Essais, les essais de Montaigne aux éditions Ellipse Collection Philo-Œuvre que vous commentez, et puis le vocabulaire des sceptiques, c'est aussi aux excellentes éditions Ellipse. Merci encore. Merci. Écoutez France Culture ACDC, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi la folie relève-t-elle de la responsabilité? La folie semble relever, bien entendu, de la responsabilité humaine, de la responsabilité des humains les uns envers les autres. D'abord, pour une raison extrêmement simple et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la folie n'est pas une déchéance ou une perte d'une condition qui serait celle des humains. C'est d'abord et avant tout une pathologie. Et sans doute, évidemment, aussi du même coup, une souffrance. Ainsi, certains humains sont atteints à des degrés divers d'une souffrance qu'on dit psychique ou mentale, qui atteint non seulement leur corps au sens des déplacements dans le monde et de capacités organiques et physiques, même si cela peut retentir aussi sur cet aspect, mais d'abord leur pensée, leur manière d'être et aussi de se rapporter aux autres dans le monde. Ainsi, la folie désigne une souffrance bien particulière et de cet égard relève de cette responsabilité générale d'apaiser les souffrances, de soulager les souffrances des autres et donc de la médecine et du soin. Et donc, la folie et même cette responsabilité toute particulière d'une médecine peut-être plus surprenante, plus impalpable, mais plus nécessaire peut-être encore que toutes les autres, parce qu'elle est aussi une dimension de toutes les autres, puisque dans chaque souffrance physique, il y a aussi une souffrance psychique. Mais la folie a un autre lien avec la responsabilité, peut-être plus fondamental et plus problématique encore, c'est qu'elle vient atteindre non seulement la pensée, mais le lien entre la pensée et l'action qui définit la responsabilité elle-même. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité en effet ? C'est le fait pour un sujet humain, d'être justement la source d'un acte. Comment un sujet est-il la source d'un acte ? Eh bien, pas seulement par son corps en tant qu'il, par exemple, vient bousculer quelqu'un d'autre, mais en tant qu'il a eu une intention, en tant qu'une pensée a précédé cet acte et qu'on peut dire, au moins pour le droit, pour les relations humaines, qu'elle en est la cause. C'est parce que j'ai voulu te bousculer que je suis responsable de cette bousculade et peut-être pour le meilleur et parfois pour le pire de ses conséquences et par exemple de ta mort. Ainsi, le lien entre la pensée et l'action est au fondement même de la responsabilité. Mais alors, si ce lien est la nature même qui nous permet d'inculper, d'accuser, de condamner un sujet humain pour un acte, comme une action délibérée, alors, si le lien en est atteint, par exemple, par la folie, alors on peut comprendre que on peut disculper un sujet et donc lui enlever la responsabilité de ses actes. Ainsi, la folie vient atteindre un problème moral fondamental, la capacité d'accuser ou de ne pas accuser quelqu'un. Et il y a un progrès moral à prendre en compte la dimension psychique des actes pour disculper, arracher les actes à la causalité pénale, sans pour autant renoncer à les traiter malgré tout par un soin qui devient aussi une forme de réparation relationnelle, éthique et politique. Il y a une grande difficulté à assumer cette responsabilité de la responsabilité, assumer la responsabilité sociale à l'égard de cette perte de responsabilité individuelle, en définir les critères. Il y a des controverses dans les tribunaux, jusque pour les actes les plus terribles. Mais c'est au cœur de l'individualité de nos sociétés démocratiques, de fait que les humains assument leurs actes, parfois comprennent aussi que tous les actes ne sont pas assumables et que cette responsabilité envers la responsabilité est peut-être le soin politique fondamental. Merci beaucoup Frédéric et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui est de retour parmi nous, on se réjouit, et qui a préparé cette émission avec aussi Antoine Ravon, Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, avec Nicolas Berger à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui, Audrey Guélil et Frédéric Pierrot à la lecture des textes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture et puis on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre semaine sanglante et demain on parlera de Dracula, éjaculateur sanglant, ce sera avec Marc Poré, à demain. France Culture, l'esprit d'ouverture.